Le 23 novembre 2018. À la MOB. 17 bis avenue Général Bua. À Nantes. À partir de 18h. Radio Cayenne vous invite à sa soirée de soutien avec. Au programme Boom, karaoké, concert. Boom, boom, boom. Studio d'enregistrement de jingle, mais aussi plein de surprises telles que liste non exhaustive, pêche à la ligne, chut, ça il fallait pas le dire, c'est une surprise. Parce qu'après les gens, ça va être trop des consommateurs, ils vont venir juste pour le vélo. Mais du coup, il y en a d'autres des surprises, c'est pas grave. Comme. dis pas pour les pizzas. Il y aura des trucs vegan à manger, des trucs pas vegan aussi. Il y aura des trucs vegan. Des trucs pas vegan. Donc c'est le vendredi 23 à la MOB à partir de 18h. Et tendre. Naonette, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Radio Cayenne décline toute responsabilité. Radio Calais décline toute responsabilité pour toute tentative de chenille Macarena et autres danses qu'on a déjà vues dans 36 000 mariages. Radio Calais, Radio Calais, Radio Calais. Si vous faites de la pêche à la ligne, on vous conseille de prendre une assurance responsabilité civile, on sait jamais ce qui peut arriver avec les absents. Tout ça. Ouais, enfin, faites gaffe à vous. Mais les gens vont pas avoir envie de venir, ils vont croire que c'est dangereux. Elle est pas un peu forte la musique? Personne. Radio Cayenne. La musique qui s'autogère. Bon, c'est le 23 novembre. À la MOB. 17 bis rue Général Bua. À quelle heure? Je crois que c'est à partir de 18h, j'ai vu ça sur la fiche dans la rue. Moi j'ai entendu ça à la radio l'autre fois. Mais... Oh là là. Et du coup t'as aucune excuse pour pas venir parce que le concert de Chilla c'est le lendemain. Et c'est une soirée de soutien, amène ton pognon quand même. Et en plus, il y aura Pouldo et Futur Rouge en musique. Oh, fallait pas le dire. Désolé, ah, c'était ça la surprise. Du coup, on va devoir inventer d'autres surprises qu'on va pas dire pour que ça reste des surprises. Zut. C'est terrible. Radio Cayenne. Copyright jingle artisanal. Tous les lundis à partir de 19h en direct et le reste du temps en 24h sur 24 avec plein d'émissions et de podcasts. Podcast. Radio Cayenne.net. Stream.